l'ASP qui s'occupe du... Bonjour. Je prends du son pour un collectif de radio associatif qui participe à la grève. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Moi, je suis ici puisque je suis professeur au collège Jean Zé, à Sotteville, au collège Éluard. Et je suis ici depuis le début, depuis le 5 décembre. Je fais les différentes manifestations par rapport à cette réforme des retraites qui ne me convient pas, sur la baisse... sur cette fameuse baisse des retraites, donc à fond, sur différentes actions. J'étais aussi au blocus lundi matin, blocus du rectorat. Et puis on va continuer jusqu'à temps que le gouvernement change son fusil d'épaule, même si a priori Monsieur Philippe, j'ai encore entendu ce matin, a dit qu'il serait intransigeant et qu'il resterait droit dans leurs bottes, qu'il ne bougerait pas à ce sujet-là. Mais on est encore là. JP aussi voulait rester droit dans ses bottes à l'époque. J'étais trop jeune, moi. Il avait bien dû bouger, en fait. Pardon ? Il avait bien dû bouger. Il avait bien dû bouger. Ben, j'espère bien. C'est pour ça qu'on va continuer, à manifester et à faire les différentes actions. Voilà. Votre prénom, c'est quoi ? Quentin. Merci, Quentin. Merci à vous. Alors, je vois un panneau. Je me permets de le lire. Depuis député LAREM, représentant du peuple, entre guillemets, point d'interrogation, fossoyeur de notre système social et de nos services publics, honte à vous. Ben oui. C'est quand même eux qui votent les lois. Parce que bon, on s'en prend au gouvernement, mais les autres, c'est eux qui votent. Donc qui prennent leurs responsabilités. Vous-même, vous êtes solidaire. Vous êtes quel corps de métier? Je suis retraité de l'éducation nationale. Mais bon, comme tout le monde, je vais être concernée quand les pensions vont baisser. Et puis j'ai des enfants, donc je défends le système de retraite. Vous avez vu l'évolution de l'école publique pendant quelques années ? J'ai pas vu l'évolution, j'ai vu la dégradation du service public. C'est pas la même chose. Ça s'appelle pas ça une évolution, moi. Pour moi, une évolution, c'est aller vers le mieux. Or, là, c'est dégradation après dégradation, réforme après réforme. Voilà. Votre prénom, c'est quoi ? Fabienne. Merci Fabienne. Ouais. Bonne manif. Merci. Assez de cadeaux pour la France d'en haut. Assez de coups bas pour la France d'en bas. Retrait, retrait du projet de Macron. Assez de cadeaux pour la France d'en haut. Assez de coups bas. Pour la France d'en bas, retrait, retrait du projet de Macron. Alors vous allez voir à droite une magnifique banderole qui a été mise sur la mairie de Rouen. En ce moment, dans toutes les mairies, on essaye de casser les vœux de tous ces partis politiques pro-Macron qui nous ont cassé nos acquis et qu'on vient récupérer. Alors vive la lutte, on continue. Non, la contre-réforme par points. Non à la retraite que propose Macron, que propose Berger, hein, tous ces points qui vont nous ruiner. On continue, on ne lâche rien. Et là, le balcon de la mairie de Rouen a été investi par des manifestantes et des manifestants, au moins de la CGT, qui sont reconnaissables à leur chasuble. Et il y a une banderole sur laquelle il y a écrit « Retraite à point, retraite à perte, CGT Rouen, retraite totale de la réforme ». République française, liberté, égalité, fraternité, et bien on est là pour la fraternité, on est là pour l'égalité, et même si la police nous fracasse, on continuera à se battre pour la liberté. Et vive les services publics ! Ouais ! MEDEF partout, justice nulle part, patron, voyou, gouvernement, époux, dehors, tous ces profiteurs ! MEDEF partout, justice nulle part. Alors là, je suis au milieu du cortège des papetiers. Il y a deux boîtes de papeterie qui sont là, il y a la chapelle d'Arblay. Les papetiers sont bien protégés, ils ont tous des bouchons d'oreilles. Ouais. On est habitué au braille dans les machines à papier. Et votre prénom, c'est quoi ? Notre opinion, c'est de continuer à lutter jusqu'à temps que Macron lâche et retire sa réforme pour rien, on lâchera rien du tout. Vous Vous n'êtes pas fatigué? On n'est pas fatigué, on va continuer, il va se fatiguer avant nous. Vous êtes la papeterie DS Smith? Ouais, DS Smith à Saint-Étienne du Rouvray. Et vous, dans vos conditions de travail au fil de ces dernières années, comment vous en parleriez? Les conditions de travail sont de pire en pire parce que les effectifs se restreignent à grande vitesse et l'âge de la retraite s'éloigne toujours plus. Et les gens sont fatigués sur les machines à papier. Il faudrait que nos édiles viennent un peu voir ce que c'est qu'une machine à papier et puis faire quelques heures avec nous. Ça leur donnera une idée de ce que c'est qu'une retraite à 64 ans. Macron, il comprend pas bien ce que c'est la pénibilité du travail. Vous pourriez lui expliquer? Je crois qu'il est spécialiste dans la pénibilité, lui, parce que depuis qu'il est là, il est vraiment pénible, ce mec. On en a ras-le-bol de ses guignols. Il va falloir qu'ils retournent un peu leurs opinions et qu'ils changent d'avis très vite, parce que je crois qu'ils ont toujours pas compris ce qui se passe dans le pays. Ou alors ils ont compris et puis c'est une lutte des classes. Je pense qu'ils pensent qu'à leur porte-monnaie et au fonds privé pour récupérer la masse d'argent que représentent les caisses de retraite, c'est tout ce qui les intéresse. Votre prénom, c'est quoi? Guy. Merci Guy. Je vous en prie. Je vois des banderoles Pôle emploi dans la manif. Est-ce que vous voulez dire pourquoi vous êtes ici? Défendre l'avenir de nos enfants uniquement. Parce que moi, je ne suis pas concernée. Et c'est un projet de société que je n'ai pas envie de vivre. C'est tout. Vous n'êtes pas concernée parce que vous êtes retraitée? Ah non, je ne suis pas retraitée. Parce que vous êtes proche de la retraite? Non. Enfin, non. Je serai retraitée à 67 ans. 67? D'accord. Ouais. Donc la réforme est déjà passée pour vous, en fait? Ouais. Et comment ça se fait? 67? Ouais. J'ai commencé à travailler très tard par rapport aux différentes réformes qui ont été passées. D'accord. Je suis pénalisée. Et là, le secteur, c'est Pôle emploi qui se mobilise. Est-ce que vous pouvez parler de... Qu'est-ce que vous pensez de vos conditions de travail actuelles à Pôle emploi? C'est ambigu. C'est ambigu parce que d'un certain côté, on a des conditions de travail qui, en local qui sont plutôt confortables. Mais effectivement, la pression, elle est là quand même. Mais on a une direction en local qui étouffe, qui fait tampon. Et ça, c'est confortable. Voilà. Quel est votre prénom? Véronique. Merci Véronique. Bonne manif. Au revoir. Dis-toi, j'en puisse chez toi.